J'te suis, avance, vas-y tout droit là-bas, c'est ça. Je ne sais pas où l'on va, mais bon, j'te suis, je te l'ai dit, t'es loin devant. C'est bien ma chérie, j'avance vers toi, j'te tends les bras, mais toi, quoi? Tu ne te retournes pas, mais moi j'avance quand même. Parce que je t'aime, c'est un problème, j'ai l'impression que tu me fuis quand même. Faut pas avoir fait les nains pour voir ce que je vois. Et comme la syphilis, tu me fuis comme Carl Lewis. J'avance à l'aveuglette et le cœur en miettes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes? Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et puis, ça donne vite le tournis. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ce genre de jeu, ma chérie, ça finit mal, je te le dis. T'étais si bien en tête, c'est vraiment trop bête de changer de rôle sur un coup de tête. Maintenant que tu veux un nous, je prends mes jambes à mon cou, pas cool du tout, cette vie de fou. Alors on change de sens et tout recommence. Cette fois-ci, à toi de suivre ma cadence. J'avance tout droit sans me retourner. Je sais que tu es là, mais j'attends pas, tu pourrais me rattraper comme chien et chat. On se court après, le chat et la souris est devenu notre jeu préféré. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et puis, ça donne vite le tournis. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ce genre de jeu, ma chérie, ça finit mal, je te le dis. J'avance, tu recules, t'avances, je recule. Comment veux-tu créer une bulle d'amour pour deux, c'est mieux. Des amoureux qui se tiendraient par le blanc des yeux. Et si on arrêtait, qu'on mettait de côté nos armures près du mur et nos armes au râtelier. Si seulement on osait se dire la vérité, on économiserait notre énergie et du forfait. Mais visiblement, on préfère passer le temps comme font les enfants, alors allons-y gaiement. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et puis, ça donne vite le tournis. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ce genre de jeu, ma chérie, ça finit mal, je te le dis. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et puis, ça donne vite le tournis. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ce genre de jeu, ma chérie, ça finit mal, je te le dis.